soldat n'est que marron. Trop de questions sans réponse et les jeunes sont incompris. On peut stopper un révolutionnaire mais pas la révolution. On en veut, on y croit, restons ambitieux. On en veut, on y croit, restons ambitieux. Mais que fait donc le système? Le système. Plus Jackie dans la piscine. Dédicace à tous les wicked Batman et ma famille. Pam pam pam pam pam. Je sais qui sont les miens, ceux qui me donnent des coups de main et ceux qui mettent des coups de frein. Et tout le monde a les crocs, que gros ça part du gâteau. C'est la waria ya. Je ne protège ton dos. Je veux pas finir en dallo, donc je préfère peser gros. Avec un style légal, official au micro. On veut continuer à prier, continuer à brûler, continuer à faire que notre musique reste au sommet. On veut rester les mêmes dans ce système qui change. Des propos sanglants, sanglants même si ça dérange. On en veut toujours plus, pas là pour cracher dans la soupe. On veut changer les choses avec nos lyrics coupe-coupe. On en veut, on nous envie, mais vieux, tout ça c'est la vie. On voit les choses en grand, on veut pas finir tout petit. Hey yo! Le système se demande, pourquoi tant de violence? C'est que veut la jeunesse. Pouvoir vivre sans chaîne qui barre. Vivre mieux, libre et beau. Le système se demande, pourquoi tant de violence? C'est que veut la jeunesse. Pouvoir vivre sans chaîne qui barre. Sortir du gouffre, pour ça le combat continue. On veut assurer les arrières malgré les pièges de la rue. On veut éviter les galères dans lesquelles la spirale nous entraîne. On veut moins de sang, moins de sirènes. On veut une France sans Le Pen. On ne veut plus voir toutes les familles dans ces églises en plein hiver. On veut du taf pour ceux qui chôment. On veut des faves pour nos frères. On sait que le système nous méprise. On veut une justice pour tous. Pour éviter que ça dégénère quand la police est à notre hausse. On veut construire, on veut grossir. On a les gros, ça empire. Faut tout niquer, rien à foutre. On devrait pouvoir s'en sortir. On veut la Dolce Vita, la vie de rêve, la fortune. On veut briller les villas, les grosses. Les grosses thunes. On veut que les gens chantent nos hymnes en français partout dans le monde. On veut représenter ceux des blocs, on veut du rap sur les ondes. On veut tout ou rien, c'est simple. On ne veut rien de plus que tous ceux qui ont les gros. C'est la même, on veut qu'est pro. Le système se demande, pourquoi tant de violence? Et que veut la jeunesse? Régler leur système, contrôler le monde du haut de nos cités HLM. On voit gros et on vise large, telle est ma vision des choses. Militons pour les mêmes causes. On veut percer, durer, nettoyer l'industrie du disque. On veut sortir par la grande porte et ce quels que soient les risques. On veut un pôle d'air dans ce climat, on est tout fait. S'ils veulent que j'y renonce, là ils ont tout faux. Partir de rien pour arriver à tout, on veut être big et puis c'est tout. Laisse-moi tracer ma route avec la gloire, j'ai rendez-vous. Même si on me fout des bâtons dans les roues, je tombe pas, je suis toujours debout. Eh oh, le monde est à nous. La vérité c'est que me dis t'inquiète. Mais la vérité c'est aussi que chaque jour je remercie Dieu en trouvant quelque chose dans mon assiette. On veut passer à table, faut se mettre à l'aise, y'a que ça de près. On a faim, on a soif, on veut du concret. Le système se demande, pourquoi tant de violence? C'est que veut la jeunesse.